Chapitre 3e. On était au milieu de l'été. Les roses brillaient de tout leur éclat dans le jardin de Camberwell, non pas les roses de nouvelles espèces qui n'ont pour toute beauté que leur rareté, mais la rose moussue, la rose à 100 feuilles, la rose capucine. Le capitaine Leland habitait depuis un mois la Villa des Roses. Il est bien casanier pour le membre d'un club, car il passe ses matinées dans le jardin ou sous la véranda, étudiant le sanskrit, parcourant des journaux, ou faisant la lecture à Barbara et à Florence pendant qu'elle travaille à de longues bandes de broderie. Dans l'après-midi, il va passer quelques heures à son club, où il rencontre des camarades, lit les journaux, dîne. Après quoi, il revient prendre le thé chez Madame Trevenock, qui préfère cet arrangement à tout autre, puisque cela lui permet de ne rien changer à l'économie ordinaire de sa vie habituelle. « Eh bien, j'espère que vous êtes content de votre pensionnaire, et vous devez me savoir gré de la fameuse annonce dont je me vante d'être l'auteur, » dit Florence à sa mère, un jour à dîner, d'un ton un peu outrecuidant. Florence avait la faiblesse de croire que tout ce qui réussissait avait été projeté par elle. Elle admettait la supériorité de Barbara, sauf dans les choses de la vie pratique. « Vous savez bien, » dit la mère, « il y a des années que je pensais à prendre un pensionnaire et à utiliser notre grande chambre inoccupée. C'est possible, mais c'est moi qui ai tranché dans le vif et à qui reviennent les honneurs du succès. Ah, si tous les pensionnaires ressemblent au capitaine, il est permis d'exprimer le regret de n'avoir pas 6 chambres à leur offrir. Permettez-moi cependant de vous rappeler que tout d'abord nous n'avons pas jugé le capitaine très favorablement, » dit Barbara à sa sœur. Cela tenait à ce que son appétit me paraissait effrayant. Je ne prévoyais pas sa délicatesse ingénieuse. Jambon d'or, caisse de thé, confiture de goyave, panier de fraises, et enfin ce poisson, dit-elle, en désignant un saumon qui n'en était pas à sa première apparition sur la table. Il est incontestable que les cadeaux faits par les parents riches de Madame Trevenock, pour venir en aide à sa gêne, avaient fini par émousser en elle un certain sentiment de dignité. Les petits présents du capitaine, bien loin de la froisser, lui était très agréable à recevoir. La mère et les filles restèrent longtemps à table, non pas tant pour faire honneur au saumon que pour causer de leurs pensionnaires. Il aurait suffi de les entendre 5 minutes pour se convaincre que la mère et les filles trouvaient le capitaine adorable. Barbara est incontestablement la plus réservée des trois, mais si elle parle peu, ses yeux en disent plus long que les discours des autres. Après dîner, on se promène au jardin en respirant le parfum des fleurs. Puis on remonte faire un brin de toilette en l'honneur du capitaine. Chaque jour semble apporter un nouveau charme à ces soirées intimes. On a roulé le piano sous la véranda. Madame Trevenock joue tantôt Indiana, tantôt une valse de Strauss, et le capitaine fait successivement quelques tours de valse avec Barbara et Florence. Ainsi, on sait se procurer des amusements innocents, mais dont on use néanmoins avec modération, car ils durent à peine une demi-heure. Cependant, aucune des danses que Barbara dansera dans toute sa vie ne lui laissera d'aussi charmants souvenirs que ses valses sur la pelouse de la Villa des Roses. Oh, magie de la jeunesse, qui peut égaler ta puissance? Qui peut rivaliser avec les impressions d'un sentiment inconnu jusque-là, de ce premier amour en un mot, dont le souvenir refleurit même sur les plus sombres ruines? Mais c'est surtout George Leland, le vaillant soldat, l'homme dont le front s'est plissé sous l'effort de la réflexion, dont le visage s'est hâlé au soleil, dont les membres ont bravé tour à tour la chaleur, la neige, l'orage, la poussière et le vent, qui jouit de cette douce vie comme quelqu'un qui rattrape le temps perdu. C'est qu'il y a un an à peine, il était dans un pays sauvage, obligé d'endosser le harnais militaire, vivant sous la tente, n'ayant à son service que des Afghans, loin de toute civilisation, privé de toute société, de tout regard de femme, des livres, des fleurs, de la musique, de tout ce qui lui plaisait le plus au monde après son devoir. Il ne s'était dérobé à aucune corvée, à aucun péril. Il avait accompli en quelques années aux Indes une œuvre à laquelle une vie tout entière aurait à peine suffi. Il est 7h30. Florence joue du piano. Barbara se promène rêveuse au jardin. Elle porte une robe de mousseline rose pâle. Dans ses cheveux, un ruban bleu. Ses longs cils voilent un regard brillant et sérieux. Il est superflu de dire à qui elle songe. À la Villa des Roses, toutes les pensées suivent le même cours. Madame Trevenock ne doute pas qu'il ne demande bientôt la main de Barbara. mais elle est persuadée que malgré tous les dons qui sont départis au capitaine, il n'est peut-être pas l'égal de Barbara, n'étant ni marquis ni millionnaire. Florence fait plus d'une fausse note. Évidemment, son esprit est ailleurs. Des pas se font entendre, les pas que Barbara reconnaît si bien. Le capitaine arrive aussitôt près d'elle. « Quelle joie, dit-il, de revenir dans cette aimable retraite qui semble une oasis au milieu des horizons brumeux et poudreux de Londres. Avez-vous fait beaucoup de choses aujourd'hui ? Beaucoup, j'ai vu mon agent. » Un sentiment douloureux semble envahir Barbara. « J'ai fixé l'époque de mon départ, » ajoute encore le capitaine. « Pour l'Inde ? Pour l'Inde. Je dois m'embarquer sur le Hesper, qui quittera Southampton le 4 septembre. Je passerai par l'Égypte et la mer Rouge. Vous repartez si tôt. Vous trouvez que c'est tôt. J'ai encore deux bons mois de congé et de repos. Croyez-vous avoir encore à faire la guerre quand vous retournerez aux Indes ? Je le suppose, car les affaires ne semblent pas s'arranger dans le Punjab. Vous irez sans doute passer une partie de ce temps dans le Somerset ? Dit Barbara, après un moment de silence. J'irai passer une semaine pour voir ma bonne vieille mère. Ce sera tout à la fin de mon congé. Elle tient à ce que je lui consacre mes derniers jours. Qu'elle doit être inquiète et malheureuse quand vous êtes si loin et qu'elle vous sait exposée à tant de dangers. J'aime à croire qu'elle ne considère pas seulement le côté périlleux de ma carrière, mais qu'il lui est doux de penser que son fils fait son devoir en servant son pays. Sans doute, mais si j'avais un fils placé dans de telles conditions, ma vie ne serait qu'inquiétude et tourment. Il se promène encore quelque temps dans le jardin et cueille quelques roses. L'air est tiède et calme. Barbara reste silencieuse. Elle songe au peu de durée du bonheur. Deux mois encore et tout sera fini. Deux mois encore et leur nouvel ami disparaîtra de leur vie comme l'éclair qui a glissé sur l'horizon. Quand le voyageur voguera sur l'océan, quand il errera dans les déserts, quand il bâtira des forts, quand il fera faire l'exercice à ses soldats, quand il poursuivra les Afghans, quelle place le souvenir de la Villa des Roses aura-t-il dans ses pensées ? Le calme avec lequel il parle de quitter sa mère ne permet pas de douter qu'il déchirera sans regret cette charmante page de sa vie.